Deuxième heure de Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec la longue des zones. Et comme à l'habitude, en début de deuxième heure, je tiens à remercier des gens très, très spéciaux qui me permettent comme ça de vous offrir un, deux heures de musique franco-canadienne d'un bout à l'autre du pays. Merci à Vanessa Isabelle de l'Arc du Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs, directrices de programmation des stations suivantes. CHMR Saint-Jean-Terre-Neuve-Labrador, CKJM Chédicamp, WFM 98 Halifax, CIFA Baie-Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, CKMA Miramichi Nouveau-Brunswick, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa, et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe de la région de Barrie en Ontario. En vol 91, Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg au Saskatchewan, CLS Victoria, Colombie-Britannique, CIVR, Yellowknife, Territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Commentaires, suggestions ou même contacts d'artistes francophones, vous m'envoyez ça à canrockcdn@commercial.gmail.com. Voilà. On poursuit deuxième partie du bloc de l'Est Québec-Ontario dans cette émission spéciale Nouveaux visages 2018. Donc, des artistes qui m'ont séduit lors des deux dernières années, 2017-2018. On va y aller avec M. Daniel Groslot-Landry qui nous proposait « Chant lunaire », chanson un peu rock progressive, assez intéressante. On va poursuivre ça avec McLean, dont je dois écouter l'album très, très bientôt là, pour mes commentaires de disque. McLean qui nous proposait « Dernière chance », nouvel album. On va entendre « Mickey, Mickey ». Et on va terminer le bloc de l'Est Québec-Ontario avec Ma Cabane de M. Kiris. Kiris qui fait de l'excellente musique world assez intéressante. Les échos

plein le cœur. L'horloge n'affiche plus les heures. Aujourd'hui, un autre hier. Nos dîners en tête à tête, collés au fond des assiettes, m'ont volé l'appétit. Cœur sans abri, le vague à l'âme. Demain reviendra-t-il? Il pleut des larmes sur ma cabane. Suis-je forcé à l'exil? Petit produit fort intéressant qui s'appelle « Ma cabane ». C'est de l'auteur, compositeur, interprète Kiris qui avait participé à Rond-Point 4 avec entre autres Daniel Groslot-Landry, Marie-Claude et Rachel Barber. Donc, fort intéressant. L'album, le mini-album, c'est nous. Il y a de très bonnes pièces là-dessus. Entre autres, « Le cœur du monde ». Et on vient d'entendre « Ma cabane ». Très world, très humanisme, très universel comme univers, comme chaleur, comme couleur. Vraiment, ça, c'est à suivre, bien sûr. Et j'ai bien aimé avoir reçu ce produit-là. Et ça me fait plaisir de le faire tourner. On est rendu à notre bloc instrumental. Hein? On garde ça parce que c'est fort intéressant. J'essaie toujours de donner un 10-15 minutes aux compositeurs, parce que souvent la musique instrumentale, il y a des gens très très bien connus qui m'ont dit que ben on est comparé à du Michael Jackson ou de l'anglophone parce qu'on ne sait pas où mettre ça. Donc c'est bon de faire entendre de l'excellente musique instrumentale. C'est ce que j'ai aujourd'hui à vous proposer. J'ai reçu deux albums de deux artistes différents cette année, fort intéressant. Il y a Internal Cycle. Ça, c'est du Jean-Cyan MG Trio. qui est la révélation jazz Radio-Canada 2018. Et c'est très, très, très bien fait. Elle est pianiste, c'est vraiment un piano là, très enlevant, très intéressant, avec un beau trio, belle basse, bonne batterie. Et c'est vraiment très entraînant. Toutes les pièces sont magnifiques. Je vais vous faire entendre « In Another Life » dans quelques instants. Merveilleux. Par la suite, une ancienne Gendarmerie royale du Canada qui a pris sa retraite. Et puis, bon, et je fais quoi, là? Ben, je joue de la flûte et je propose un album fort intéressant. Je suis sûr que les gens vont aimer ça. Je pense que oui. Une porte s'ouvre de Marie-Véronique Bourque de la Saskatchewan. Elle est flûtiste. C'est un jazz très francophone. Charles Aznavour, Ravel, d'autres pièces comme ça, mais aussi des pièces originales. Et ce que vous allez entendre, c'est une chanson de Aznavour, « Tu te laisses aller ». Très intéressant, vous allez voir. Magnifique. Mais pour l'instant, voici Jean-Cyan MG Trio, « In Another Life ». Thank you.